Les sommes, la douleur nous ont séparés. Plus personne pour t'épauler, c'est plus pareil. J'ai mal, pourtant on s'est rien promis. Chez nous, l'acteur principal crève en premier. On a perdu le chemin de la maison. La mission, finir mes munitions. L'affection de l'oseille comme réconfort. À part ça, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Un calibre en guise de confiance. Obligé de ligoter ma conscience. On déboule, tu demandes qu'est-ce qui se passe. C'est toujours la même, fête le système. Faut chiffrer tout, niquer sa vie grave. Mes cauchemars ont giflé tous mes rêves. Dealer, que les dealers sont à l'heure dans le four. Que notre vie sera courte. J'suis dans l'autocalibre, tout rien n'a changé. J'veux partir insanger. J'reviens des enfers en gros bolide. Maman ne sait pas d'où vient ce fric. Notre seul espoir entassé dans des poches. Ton bang, personne pour y poster. Seul je pourrai te pardonner. Mes ennemis, mes homies veulent me voir dans ce trou noir. J'vois cette story recommencer. J'suis foncé, j't'attendais. J'vois cette story recommencer. J'vois cette story recommencer. J'suis foncé, j't'attendais. J'vois cette story recommencer. J'vois cette story recommencer. Tu t'es allé si vite, pas le temps d'apprécier les bons moments. On s'aimait étant jeune, ensemble sur le champ de bataille on saignait. Je nettoie mon vieux flin, je savoure cet instant. Seul dans un grand monde, j'aime sur ce quatre murs. Paye tes dettes ou tu connais la suite. Ça va, ça nous fait prise dans le crâne. Casse-toi, on sait pas où tu traînes. Je prends les rênes, il est fini ton règne. Et me supplier c'est pas la peine. Et me supplier c'est pas la peine. J'ai tourné la tête et soupillon. Au fond je crois qu'il a raison. Aimons-nous jusqu'à la trahison. Tirons-nous dessus jusqu'à la mort. Ça recommence encore et encore. Ça recommence encore et encore. Mes ennemis, mes homies veulent me voir dans ce trou noir. J'vois cette story recommencer. J'suis foncé, j't'attendais. J'vois cette story recommencer. J'vois cette story recommencer. J'suis foncé, j't'attendais. J'vois cette story recommencer. J'vois cette story recommencer. J'ai passé toutes mes journées dans le mal. J'ai passé toutes mes journées dans le bal. J'attends encore ton arrivée. J'ai passé toutes mes journées dans le bac. J'ai passé toutes mes journées dans le bac.